est parfaite, douce comme une fleur parfaite. Tu embellis mon cœur parfaite. Comment résister parfaite. Tu es tout près parfaite. Je vais te toucher parfaite. Ça y est, j'y vais. Ton corps tout entier n'est qu'à moi. Enlève ton bustier, que je te vois. Tu es là, devant moi, je ne bouge pas. Je reste planté là, devant toi. Tu es parfaite, douce comme une fleur. Parfaite. Tu embellis mon cœur. Parfaite. Comment résister. Parfaite. Tu es tout près. Parfaite.